wetu na mwokozi. Tunakupigia asante kwa hiyo wakati juu ya mwito wako ule tunakuwa kuitika sana. Maandiko yako unasema mshatilie makutano yenu saa zote za mengine. Shie Seigneur, tunakuya tu tushiriki kando kando ya neno lako. Mungu wetu, tuko na kiu na njaa, aina ya mkate lakini ya neno lako. Tunapenda sauti yako wakati inataka kutoka Seigneur, ipate fresh ndani ya manafsi yetu. Na tushikwe ba kushikia tu na kusabu, na lakini ba kushikia na kuitenda. Ndio maana tunajiachilia kwa mikono yako. Wewe pekee ndio unayetuongoza. Bariki chombo utatumikia, roho yako mtakatifu ishuke kuanzia kumimbari tufikishe na kule kumwisho. Sisi wote tuko mkimoya ndani ya Yesu Kristo. Tunakutegemea moyote ambao utakuwa nasi. Tukuja kwako kuna karibia sana. Ni sauti ndio itatutayarisha. Tunaomba hivi na imani ya kwamba unatushikia. Juu tunaomba mjina Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Ésaïe au chapitre 6. Isaïe sur la cité. C'est notre écriture d'hier. L'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Deux dont il se couvrait la face. Deux dont il se couvrait le pied. Et deux dont il se servait pour voler. Il criait l'un à l'autre et disait: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: si a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrait et qui marchera pour nous? Répondit: voici, envoie-moi. Que Dieu ajoute la bénédiction à la vie. Nous sommes en train de faire la révision des choses que nous avons déjà enseignées pour bien évoluer dans tout ce que nous voulons dire à notre vie. Hier, nous avons montré que le roi Ozias a eu la grâce d'avoir de bons parents. Un papa et une mère pieux. Et ses parents ont exercé une grande influence sur la vie de l'enfant. Par les enseignements qu'ils donnaient, par les conseils qu'ils donnaient, ils avaient conduit leur fils dans la voie du Seigneur. Ils ont appris à honorer les voies de Dieu. ils ont appris à obéir à la loi de Dieu. Et cela a fait d'Israël un très bon roi. Nous avons montré hier que c'est une grosse erreur pour les jeunes gens de rejeter Christ sous prétexte qu'ils ont encore des avantages dans cette vie. Ils ont de la jouissance de la jeunesse, et s'ils croyaient tôt, ils manqueront cette jouissance. Nous avons montré que cela est faux. Un jeune homme doit chercher le Seigneur pendant sa jeunesse. Le péché de la jeunesse seront payés. Chaque grain que vous semez dans la jeunesse, vous le récolterez. Dieu n'aime pas le péché. Dieu ne tolère pas l'iniquité. Que vous soyez jeune ou vieux, Dieu vous demandera des comptes. C'est pourquoi Ecclésiaste nous enseigne et dit, vous les jeunes gens, cherchez l'Éternel pendant cette période, avant que les jours mauvais n'arrivent. Souviens-toi de ton Créateur. Il est fondamental de chercher Dieu dans la jeunesse. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? La plupart de nos jeunes gens n'aiment pas le Seigneur. Surtout les enfants des conducteurs, les enfants des pasteurs, les enfants des diacres, les enfants des prédicateurs, les enfants des anciens. La plupart de ces enfants n'aiment pas le Seigneur. Ils se sont tellement habitués avec la parole qu'ils ne trouvent plus, ils ne trouvent rien de spécial. Et ce sont eux qui nous couvrent de honte. Mais si nous parlons aujourd'hui de cette délinquance, comme l'avions dit autrefois, aujourd'hui les jeunes gens sont plus délinquants. Nous avions dit autrefois que le prophète enseigne et dit, si nous avons beaucoup de délinquants aujourd'hui, c'est la délinquance parentale qui est à la base de cela. Les premiers délinquants sont les parents. Ce sont les parents qui n'aiment plus Dieu. Ce sont les parents qui ne marchent plus dans les voies du Seigneur. Ce sont les parents qui n'obéissent plus à la parole de Dieu. Et la plupart de nos parents ne s'intéressent pas à leurs enfants. Et voilà pourquoi nous récoltons de mauvais jours. Nous n'avons plus de gens comme Job. Job qui chaque soir offrait une offrande pour ses enfants parce qu'il se disait peut-être mes fils sont péchés sans le savoir. Il les amenait sous le sang. Il demandait pardon pour eux. Il amenait la miséricorde de Dieu sur eux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous voyons. Beaucoup de frères et beaucoup de sœurs dans le foyer ne prient même pas pour leurs enfants, n'exhortent pas leurs enfants, ne poussent pas leurs enfants aux choses de Dieu. Ça, c'est une très grosse erreur. Les parents ont abandonné, ont démissionné. Ils ne veulent plus faire leur travail. C'est comme l'avons exhorté un bien certain dimanche. Et ce n'est pas correct. Nous devons nous intéresser intéressés de nos enfants. Ce sont nos chrétiens de demain, nos pasteurs, nos prédicateurs, nos diacres de demain. Quand nous ne serons plus ceux qui doivent prendre la relève, si maintenant nous les négligeons aujourd'hui, ah, quel sera alors le demain? Sera malheureux. Cette fois, nous avons lu dans Job au chapitre 1, dans son verset 5, et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Oui, il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes enfants ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Le prophète dit ceci dans Job, serviteur de Dieu, au paragraphe 39, il nous dit ceci. Si nous avions plus de mère et de père ce soir, si nous avions plus de mère et de père, tellement intéressés à leurs parents, à leurs enfants, qu'ils offriraient les 100 versets de l'agneau pour leurs enfants chaque soir au trône de grâce, nous n'aurons pas beaucoup de comportements bizarres comme nous en avons parmi les jeunes gens. Alors il se disait, peut-être ils ont péché ces jours. C'est Job qui disait, peut-être ils ont péché. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Même pour être sûr, j'offrirai un sacrifice pour eux. Maman, vous savez, c'est une honte aujourd'hui, et le père aussi de voir, combien nous manquons d'intérêt pour les enfants et les jeunes. Vous laissez les enfants sortir et faire tout ce qu'ils veulent. Ils courent toute la nuit et tout. Ils font tout. Ils entrent et on semble ne pas être concerné par cela. Les enfants sortent sans contrôle. Ils font n'importe quoi. Ils rentrent à n'importe quelle heure. Mais quand ils rentrent, nous ne disons rien. Nous ne nous intéressons pas à leur éducation, à leur avenir. Vous laissez vos fils sortir avec des garçons qui fument, qui boivent. Ils vont jouer aux machines à sous et danser toute la nuit et ils rentrent tard. Et ensuite vous dites chrétiens, et vous tolérez de telles bêtises, ce n'est pas correct. Nous devons les amener au Seigneur. Oui, bien aimé frère et soeur, nous avons montré autrefois que c'est ça la plus grosse erreur du croyant du message. Nous nous sommes écartés des choses qu'on devait jamais abandonner. Nous avons abandonné les habitudes qu'on devait défendre. Nous avons maintenant embrassé les habitudes dénominationnelles et mondaines. Nous avons regardé à la civilisation. Nous avons regardé aux dénominations. discrimination. Et nous avons regardé aux jeunes délinquants, d'autres assemblées, d'autres églises, et nous avons laissé nous les nôtres dans leur compagnie, et cela amène maintenant de l'opprobre sur la parole. Oui, bien aimé frère et soeur, ce n'est pas correct. Voilà pourquoi nos églises sont devenues froides. Nous sommes dans la confusion. Les enfants sortent avec les mondains. Les parents ne disent rien parce qu'ils sont devenus démissionnaires. Les croyants sont devenus plus mondains. Et les pasteurs ne disent rien. Et dans les églises, et dans les foyers, personne ne s'occupe des âmes. Et c'est une très grosse erreur. Oui, bien aimé frère. La mauvaise fréquentation partout. Nous voyons d'abord les mères elles-mêmes et les pères eux-mêmes dans de mauvaises fréquentations. Mais comment peuvent-ils corriger leurs enfants lorsqu'ils commenceront une mauvaise fréquentation? C'est ça, c'est le problème. La maman s'est fait amie à une prostituée. Le papa s'est fait amie à un coureur de jupons. Le papa s'est fait amie à des voyous, à des bandits et des voleurs. Mais quand est-ce qu'il aura le temps de corriger son fils ou sa fille qui sera dans la compagnie des prostituées et des voleurs? C'est une honte à une femme mariée d'être dans la compagnie des prostituées. Même dans la Bible, les vierges marchaient ensemble, les mariés marchaient ensemble, les prostituées étaient dans leur camp. Même pour aller puiser de l'eau, il y avait des heures précises, les heures qui étaient réservées aux vierges, les heures qui étaient réservées aux mariés, les heures qui étaient réservées aux prostituées. Même en Israël, il n'y avait pas une confusion comme nous l'avons aujourd'hui. Oui, bien aimé frère, c'est une grosse erreur et nous ne cesserons jamais de le souligner. Lorsque vous voyez une sœur, c'est lié à des amitiés avec des prostituées. C'est une prostituée. Observez cela plus tard. Si elle n'est pas infidèle, elle finira par briser son mariage. Vous voyez, bien mes frères, parce qu'elle prendra toutes les habitudes des prostituées pour les amener dans son foyer. La Bible dit ce qui se ressemble s'assemble. Y a-t-il de commun entre une femme mariée et une prostituée? Non, il n'y a rien de commun. Parce qu'une prostituée qui n'est même pas dans une concubinage, qui ne vit pas avec un homme, avec une prostituée qui vit avec un homme, elles sont les mêmes. Il n'y a pas de différence. Elles ont le même esprit. Elles ont le même comportement. Elles ont le même sentiment. Elles ont le même but. Elles ont le même projet. C'est pourquoi ils se marient. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Voyez bien, mes frères. Lorsqu'une femme dit là, je vais être avec elle, mais je ne fais pas comme elle. C'est un mensonge. Et là est l'esprit de la prostitution. Voyez bien, mes frères. C'est pourquoi, comme l'a bien souligné autrefois, une mère correcte et honnête ne peut pas laisser sa fille en compagnie des filles de la prostitution. Non, non. Batoto benye kuzari kwa mbundumba. Ao batoto ba mbundumba. Ao batoto ba bandumba. Non, bien aimé frère. Ile nguvu uko nayo ya kuacha mtoto yako mwanaume au mwanamke epo natembea na batoto ba bandumba na benye kuzari kwa mbundumba, ni alama iko naonesha kusema hauna mzazi mzuri, hauna mama mzuri. Mama mzuri na baba mzuri anapasha kujua mtoto yangu anatembeaka na nani, mtoto yangu mwanamke anatembeaka na nani. Oye bien aimé frère, est-ce que c'est normal quand on pose la question à une mère de savoir où est sa fille et de répondre je ne sais pas où elle est? Non, bien aimé frère. Non, bien aimé soeur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas juste. Elle est mère pour cela. Elle est mère pour cela. On l'appelle maman, c'est pour cela. Parce qu'elle doit s'occuper de ses enfants. Elle doit contrôler ses jeux. Elle doit contrôler sa compagnie. Elle doit contrôler son temps. Nous sommes dans la parole. Nous ne sommes pas dans la politique. Nous n'enseignons pas les histoires comme dans la politique. Dans l'éducation des enfants, le droit de l'homme a faussé toutes choses. Et cet droit de l'homme-là, c'est le droit de Satan. Vous voyez bien, mes frères. On ne peut pas écarter le fouet de la maison. On ne peut pas écarter le fouet dans l'éducation d'un enfant. Vous voyez bien, mes frères. C'est Dieu qui a donné sa loi. Les hommes pécheurs n'ont pas d'autorité sur la loi divine. Vous voyez bien, mes frères. Et lorsque un homme, une femme, un cœur juste, un cœur honnête, il aime le Seigneur, il voudra aussi que ses enfants soient élevés correctement. Voyez bien, mes frères. Voyez bien, mes soeurs. Je ne peux pas accepter de voir mon fils, ma fille, dans la compagnie des enfants de la prostitution. Non, bien, mes frères. Mais nous avons découvert que les laisser aller, qu'on voit dans les mers, tout en laissant les filles dans la compagnie des enfants de la rue, des enfants de la prostitution, souvent ce sont ces femmes qui n'ont pas eu l'occasion d'être épousées correctement. Barimo ya mwenye mubar. Ye mwenye barimo wa mubalabala. Vous voyez, nabanekala wakati ngina abana tana mari, ana tana mari. Saba lipatanaka mubalabala, banakuya banekala, banekala mkifunga mulango, banazala batoto, na ye njua nona sebe ni kukwe. Uyu mari achipeleke, uyu na ye anekala bila mari, batoto banazala, on ne peut pas tolérer cela. C'est faux, bien aimé frère. C'est faux, bien aimé soeur. Des fois, nous avons honte. Lorsque nous allons dans les dés des gens, il y en a beaucoup de fois. Tu connais ce qu'on a fait. Nous devons faire ce qui est juste et ce qui est honnête. Imaginez, je l'ai vu aussi ailleurs. Moutou mwana oume aya pele kiaka biviake mari. Batoto wana komea, banebawana kuyohoa. Les enfants grandissent. Mais trahier qu'on a exigé mal. Quoi que l'idée qu'on aille, anana mal. Mais pour la lombe, pour abenyeu, mal. Il demande la dot à sa fille. Non, bien aimé frère. Non, bien aimé soeur. On ne peut pas prendre les habitudes du monde, les coutumes du monde, les amener dans la parole. Nous connaissons les coutumes. Nous connaissons les coutumes où on ne donne jamais de dons. Il faut tourner la coupe comme les 100 francs, comme les 1000 francs, comme les 10 000, dans la coupe à la voie la vie. Ça, non, ce n'est pas la parole. Vous voyez bien, mes frères. Comme vous voyez, vous riche, ça vous tient mon jour. Na bibi mwenye utamheshimia. Wewe mwenye unakaa kukweli au unako na mali. Jo pale bibi bwana mwenye akonemo. Beko na pona saki koloko. Unakosala kiloko anakuambia akusema na mali yenye shitapeleka kwa kweli. Wewe ndiye mwenye fair. Quand un homme kama mwanaume depo donne la donne na ile itamfikisha mkipima heshima na bibi mwenyewe. Pale kuse aonore sa femme. Wewe ndiye mwenye fair. Si vous aimez votre épouse, veillez la dot. Voyez. Parce que c'est la parole de Dieu. Et de cette manière-là, cette femme aura aussi la charge d'éduquer ses filles, d'éduquer aussi ses fils. Oui, bien-aimés frères. Oui, bien-aimés sœurs. Mais nous devons suivre la voie de la parole. Les mauvaises fréquentations parmi nos enfants, c'est notre négligence. En tant que parents, parce que nous-mêmes nous sommes déjà compromis dans de mauvaises fréquentations. Vous voyez bien, mes frères, aujourd'hui, les enfants sont délinquants. C'est parce que nous-mêmes nous sommes des délinquants. Avec l'arrivée de la télévision, nous laissons tous les programmes passer devant les enfants et devant nous. On ne censure rien. Non, bien, mes frères. Ce n'est pas honnête. Nos télévisions sont mal utilisées. Nous devons nous redresser. Il y a des choses qu'un chrétien doit regarder et des choses que vous ne pouvez pas regarder. Voyez bien, mes frères. Il y a des maisons. Ils savent tous les programmes des films des programmes de TV5. Vous voyez bien, mes frères. Et une prédication à l'écran. Jamais. Vous trouvez maman, ses enfants, et en train de regarder les films de Ouagadougou. Ils connaissent tout. Il n'y a pas d'éducation dans les films mondains. Si vous regardez dans les films nigériens, dans les films qui viennent du Côte d'Ivoire, dans les films qui viennent la Tanzanie. On n'enseigne que la prostitution. Il n'y a pas d'éducation. Vous voyez, il n'y a pas de conseils. Dans les films de Kajombo, il n'y a pas de conseils. Vous voyez bien, mes frères. Si un homme ou une femme ne peut pas recevoir les conseils de la parole, comment il peut le recevoir d'un démon? Voyez bien, mes frères. Qui plaisante. Des fois, ils simulent les pasteurs. Ils font des théâtres pour humilier les pasteurs, pour humilier la parole de Dieu. Et là, vous êtes avec les enfants, vous regardez, vous vous moquez de Dieu, en sachant même que c'est moqueur. Voyez bien, mes frères. Lorsque vous regardez ce film-là, vous semez un fort esprit dans les enfants. Ce n'est que nos enfants se rebellent parce qu'il y a des esprits qui sont transmis dans les cinémas, qui sont transmis dans les films. Vous voulez amener un film dans votre maison? Vous voulez la donner à vos enfants? Commencez d'abord par visualiser. Regardez ce qu'il y a dans le film. On laisse les enfants. Ils vont chez les voisins prostituer. C'est les voyants voisins païens. Ils prennent des films. Ils mettent cela. Et les parents ne disent rien. Et ce sont les parents qui envoient les enfants. Ouais, les voisins. Vous avez trouvé ma bande de tout le monde. Il faut être toqué. Un papa ou une maman démissionnaire. Pour avoir un tel comportement. Oui, bien mes frères. Et quand la force se révoltera, il dit non, ni le bongo saka tout mzou, ni yé mounye. Ana yé mounye, ni wé mzajou comme baya. Ou quoi non, paix comme chaf. C'est pourquoi commencer d'abord par mettre votre propre vie en ordre. Oui, bien mes frères. Si vous ne mettez pas votre propre vie en ordre, Dieu vous demandera des comptes. Vous saurez des comptes à rendre. Va-t-on te voir les mouvements de tout partir? Aïna m'a joué. Non. Va-t-on te voir les tout partir? Tout va la bougie, ta va conserver. Et vous serez jugé. Comment vous avez élevé vos enfants? Quelle est l'éducation que vous leur avez donnée? Oui, bien aimé frère. Ne laissez pas n'importe quoi. Oui, bien aimé frère. Les films malsains, comme nous l'avons montré autrefois, même dans les téléphones des enfants, il y a de la musique mondaine. Des voix, de la musique de voyous. On chante les histoires sexuelles. Ils vont dans les ordinateurs. Ils les disent les images malsains. Ils ne contrôlent même pas les téléphones. Ce sont les parents qui sont faux. Ce sont les parents qui sont délinquants. Oui, bien mes frères. Une et une fille de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui tout le temps regardent les femmes nues, les hommes nus. Vous pensez que ces femmes nues et ces hommes nus les laisseront libres? Ils vont empoisonner son esprit parce que tout ce qu'il verra, tout ce qu'elle verra, elle cherchera à la main à le mettre en pratique. Elle ne voit pas cela pour se plaire à ses yeux. C'est un esprit de la prostitution qui est transmis dans cet enfant. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé soeur. C'est pourquoi on voit même d'autres mains, d'autres parents. Les femmes et les hommes. Il voit ce film malsain. Et ce qu'il fait, ce qu'il fait avec son mari, avec sa femme, il commence à les comparer avec ce qu'il a vu dans les films. Maintenant, au lieu de le faire avec sa femme, comme il ne veut pas le faire, il va se le prostituer pour les pratiquer. C'est un faux esprit. Ce n'est pas honnête. On doit tout contrôler. Moi, je le fais. Les démons ne craignent personne. Satan ne craint pas le pasteur. Satan ne craint pas le prédicateur. Satan ne craint pas les anciens. Satan ne craint pas les diacres. Satan est un audacieux. Il frappe à chaque porte. Même à la porte du pasteur. Si le pasteur s'amuse avec le diable, ah, il va manger la poussière. Quoi, bien mes frères? Satan, c'est un vieux guerrier. Abatezakana Shetan. Kama ou qu'on invite à la Shetan, il faut qu'on fukusa. Elle pari na weye. Akura kutye sanaye. Ou on est vide en bas ou ta moufouane. Nous vainquons Satan seulement par, c'est seulement par le Saint-Esprit. C'est seulement par Dieu. Il est plus puissant, plus fort. Il n'a de crainte, il ne craint personne. Vous voyez bien mes frères, vous voyez bien mes soeurs, c'est nous qui sommes des responsables. Nous devons corriger, nous devons voir, nous devons regarder des choses correctes, des choses saintes. Nous devons entendre des choses correctes, des choses saintes, les photos, les chansons, toutes les choses qui passent parmi les cinq sens du corps. ça. Quand on voit des fois, on dit non, vous aussi vous avez exagéré, même ça, mais tout le monde le fait, même à la télévision, on montre ça à la télévision. Puis tout le monde est connu à la télévision. Abina Mouzouri, Aina Dua qui piche à la télévision, toi qui n'a plus à l'égal, qui n'a plus à Saoudi à Moumou, non. Ceux qui tiennent la télévision sont des démons. La télévision est l'instrument principal du diable. C'est pas la télévision que le diable fait des propagandes. Il y a fait des programmes qui sont utiles. Vous voyez bien mes frères, mais le reste, ils le font pour les, pour déverter les gens. Vous voyez bien mes frères, et aujourd'hui les gens ne disent rien. C'est ça qui a coué la vie chrétienne. On a crucifié Jésus. Parce que nous-mêmes, nous sommes des délinquants. Les croyants d'aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui aiment le divertissement. C'est du monde. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. En tant que fils et filles de Dieu, en tant que parents chrétiens, nous devons être sous nos gardes sur tout ce que nous faisons. Voyez bien mes frères. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'observe. Les enfants dans nos maisons sont les grands observateurs. Voyez bien mes frères. Ils observent votre langage. Ils observent votre comportement. Ils voient les sacrifices que vous faites. Tout ce que comment vous vous habillez. Voyez bien mes frères. Nous ne voulons pas que le monde soit en nous. Voyez bien mes frères. Vous regardez le monde de la télévision. Vous vous habillez comme à la manière de la télévision. Non, bien mes frères. Non, bien mes soeurs. Nous sommes de notre royaume. Nous devons nous comporter correctement. Oui, bien mes frères et soeurs. Nous avons épargné nos fils et nos filles de la terre. C'est faux. Nous leur avons donné trop de liberté. Au-delà même de ce qu'on devait faire. Oui, bien-aimé frère. C'est faux, bien-aimé. Nous vous avions dit autrefois que la mer serait le cinquième évangile. En dehors des quatre évangiles que nous lisons dans la Bible, Matthieu, Marc, Luc, Jean, en dehors de ces quatre, il y a un cinquième évangile, c'est une mère, une bonne mère, qui le soit, peut prendre la Bible, s'asseoir avec ses enfants, parler, parce que sont les mamans, qui restent longtemps avec les enfants. Si vous regardez dans les foyers, les enfants, garçons ou filles, sont plus attachés à leur mère. C'est dans peu de familles que vous trouvez les enfants qui s'attachent à leur papa. Mais ce sont les mamans qui doivent plus s'occuper de leurs enfants. Voyez bien mes frères, mais ils ont oublié ça. Ils ne font plus rien. Les parents ne savent même pas prier. Et ils ne savent même pas prier pour les enfants. C'est pourquoi vous voyez même ici, quand le vendredi vient, ce sont les mamans et les papas qui fuient la prière. Si un papa et une maman fuient la prière, comment ces enfants viendront à la prière? Comment ils le feront? Parce qu'ils sont sous une mauvaise influence. Je ne connais pas ailleurs, ici dans cette église. Il y a des sœurs, depuis que la prière est instaurée, ils n'ont même pas une seule fois, ils n'ont jamais fait une heure de prière. Et elles viennent toujours vers 16h tard. Les jours où elles sont à temps, c'est à 16h. Sinon, elles viennent à 17h, à 16h45. C'est une mère qui fouille la prière. Est-ce qu'elle a la force de prier chez elle? Est-ce qu'elle a le temps de prier pour ses enfants? Elle a le temps de prier pour son mari. Voilà pourquoi maintenant, les choses ne vont pas correctement. Vous voyez, parce que ce sont les parents qui sont eux-mêmes faux. Nous avons laissé les enfants faire ce qu'ils veulent. Et nous les avons laissés dans la compagnie des inconvertis. Nous tolérons des choses mondaines. Parce que nous-mêmes nous sommes mondains. Nous manquons d'intérêt dans nos enfants. C'est une faute grave. Et Dieu ne nous pardonnera jamais. Sachez-vous tous en tant que parents que notre négligence à l'égard des enfants, le Seigneur nous en demandera compte. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé soeur. Vous voyez, le fouet a disparu. Pourquoi? L'Écriture elle-même dit, si vous voulez voir ton enfant et emprunter une mauvaise voie, éloignez la verge de lui. Et il s'égatera. Oui, mes frères. Non, il s'égatera. Ah, si vous ne le frappez pas, il sera gâté. C'est pourquoi les enfants ne comprennent rien. Tu es un parent. Sur quelle base? Tu es quelle mère? Tu es quel père? C'est toi-même qui es faux dans ton cœur. Tu n'es pas correct. Donc, il y a beaucoup de moyens pour ne pas accidentellement. Que je suis en mise à Bouana. voulez qu'on entre à vous sud et vous voulez une maison heureuse. Vous ne comprenez rien. Pourquoi vous voulez m'en dire à mon île? Pourquoi tu es? Voyez bien mes frères, c'est parce que nous-mêmes nous ne sommes pas corrects. Nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes dans le mariage. Vous avez une responsabilité. Vous devez vous occuper de votre mari. Vous devez vous occuper de vos enfants. C'est une responsabilité. On ne doit pas fuir cela. Voyez bien mes frères. On ne doit pas fuir cela. A-t-il prié pour lui? A-t-il donné des conseils? A-t-il fouetté cet enfant? Quelle est votre responsabilité? Voyez bien mes frères. Mais quelqu'un qui a été mal élevé, une mère, une femme, un homme qui est mal élevé, il n'a même pas la représentation de l'éducation. Et il ne peut pas éduquer aussi ses enfants. Oui, bien mes frères. C'est nous qui sommes des responsables. Mais ce n'était pas Ozias. Ozias avait eu de bons parents. Nous voulons aussi être des bons parents.